commercial, c'est beau. Moi j'aime bien YouTube. T'aimes pas YouTube? Il aime pas YouTube. YouTube, you me, YouTube, you talk to me. Bon bah ben, pas du tout, tant pis. C'est pas grave. J'avais travaillé le morceau, tu sais, ça fait un jour que je suis dessus. Ils sont durs les artistes, hein. Non, celui-là, on l'a jamais fait, celui-là.